Et voici maintenant une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou. L'appareil photo jetable. L'appareil photo jetable, ou prêt à photographier, est apparu dans les années 80 et s'est depuis répandu comme une traînée de poudre sur l'Occident. Il s'agit d'un objet emblématique de la société contemporaine en ce qu'il incarne à la fois la volonté de faire durer l'instant présent et la désuétude planifiée qui marque notre mode de vie et notre mode de consommation. En effet, la photographie est un mécanisme de présentification de l'instant passé. En regardant la photo, on pose le regard sur une tranche de vie qui se raconte sous nos yeux. Un moment fugace qui tout d'un coup se redéploie et se ravive. En ce sens, il s'agit d'une prise de pouvoir sur le temps qui ne paraît plus aussi inexorable. La caméra permet de dire « au temps, suspend ton vol ». Et celui-ci, du coup, répond à notre invocation. On raconte même que certaines tribus refusent de se faire prendre en photo, car la caméra aurait le pouvoir de voler l'âme du sujet. C'est dire à quel point l'objet s'avère fascinant, mais qu'il nous paraisse banal à nous, occidentaux contemporains, qui sommes habitués à nous partager des photos à la tonne sur Facebook et n'en voyons même plus le merveilleux. D'où la banalisation de son utilisation jusqu'à faire de la caméra, miracle technique du siècle de Victor Hugo, un appareil jetable en plastique bon marché. À ce titre, nous vivons dans la première société qui considère qu'un objet qui a nécessité des années de perfectionnement, un designer industriel pour en dessiner l'esthétique, des dizaines de personnes pour en fabriquer les pièces, des convoyeurs internationaux pour qu'ils se rendent jusqu'à nous, doivent aller au rebut dès qu'il a fait l'objet d'une première utilisation. Nos ancêtres canadiens-français doivent s'en retourner dans leur tombe, eux qui réutilisaient et rapiéçaient à peu près tout ce qu'ils avaient. Mais voilà, nous sommes passés d'une économie de la conservation à une économie de la désuétude planifiée. C'est sans doute pourquoi l'on retrouve dans le Pacifique Sud, entre la Californie et Hawaï, une plaque de déchets de matière plastique de la taille du Texas, l'Occident entier étant tombé sous le règne du jetable en semant ses achats au gré des quatre vents de leur utilisation. La caméra jetable porte en elle une dichotomie, expirer, perdurer. Perdurer parce que le produit de l'objet, la photo, ravit autant des instants fugaces de l'existence. Expirer parce que l'objet lui-même est destiné à la mort, dès l'ouverture de son emballage. Il illustre donc les deux mouvements complémentaires de la vie. Cela me fait penser à la triade des dieux de l'hindouisme. Brahma, le créateur, Vishnu, le conservateur, et Shiva, le destructeur, qui incarne le mouvement de l'univers et lui donne son rythme. De manière plus prosaïque, Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse, voyait en l'être humain deux pulsions fondamentales opposées et complémentaires, la pulsion de vie, Eros, et la pulsion de mort, Thanatos, qui dicterait à l'être humain ses comportements, dont parfois les plus incongrus. C'est sans doute ces deux pulsions primaires de l'homme qui se trouvent intriquées dans l'appareil jetable. Celui-ci nous place face à nous-mêmes, être de la durée, et nous signifie à la fois que la technologie nous fait braver même le temps, et que, malgré cela, cette bravade n'agira jamais que comme un répit arraché aux dieux. Je vous laisse sur ces vers de Lamartine qui évoquent bien l'absurde éphémère du temps. Temps jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse, où l'amour à long flot nous verse le bonheur, s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur? Et quoi? N'en pourrons-nous fixer au moins la trace? Quoi passer pour jamais? Quoi tout entier perdu? Ce temps qui nous dédonne. Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, ne nous les rendra plus. Vous venez d'entendre une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou.